carrément salope, l'idylle, gobe, salope, les lents travaux, salope, masse ainsi par salope, le flux sonore, salope. Ces S à salope, la digue qui salope, tu durant cette salope, adage passif alors, salope, dicte danse, la salope, meurtrissure des fées, salope, à peine jouissive, salope, en bouche, recrache, salope, sa haine, salope, carrément salope, à l'espace lent. Le sifflement, salope, d'un état pur, salope, non, si, non, salope, si, lasse le salope, long du vent, salope, qu'il était salope, carrément salope, l'insurgé des salopes, diable, flûte, sa salope, sphère dans la laine, salope, au pistil à salope, transe géométrique, salope, inassouvi des fesses, salope, carrément salope, tactile sous salope, caresse que salope, tilt le pastel doré, salope, à tort des cornes, salope, ainsi surplombant, salope, sa halte féroce, salope, clair dans salope, un chien dent de révolte, salope, comme les dents, salope, des jolis amants. L'enculé cosmique. L'enculé cosmique. D'accord.